Exercice 10, page 153. A. Tu ne l'as pas encore couché? Transformer. Si, je l'ai déjà couché. B. Tu ne l'as pas encore acheté? Transformer. Si, je l'ai déjà acheté. C. Tu ne l'as pas encore rangé? Transformer. Si, je l'ai déjà rangé. D. Tu ne l'as pas encore jeté? Transformer. Si, je l'ai déjà jeté. E. Tu ne l'as pas encore changé? Transformer. Si, je l'ai déjà changé. F. Tu ne l'as pas encore chargé? Transformer. Si, je l'ai déjà chargé.